Pierre Falcón a-t-il sauvé le président Eduardo dos Santos ? La question n'est pas aussi absurde qu'il y paraît. Le président angolais affirme en effet que les armes que lui a livrées Falcón, figure centrale du procès de l'Angola Gate qui se déroule en ce moment à Paris, lui ont permis de triompher des forces de l'UNITA alors que sa situation était désespérée. Et cela explique pourquoi Dos Santos a continué à soutenir bec et ongle son ami Falcón en essayant d'obtenir que son procès n'ait jamais lieu. Un procès qui, par ailleurs, embarrasse autant la France que l'Angola, eu égard aux rapports commerciaux que les deux pays ont noués. Des liens, nous a rappelé M. X la semaine passée, qui sont aussi anciens qu'ils ont été ambigus. En effet, en Angola, pendant fort longtemps, le champion de Paris a été le meilleur ennemi de Dos Santos et de son prédécesseur, le président Agostinho Neto, c'est-à-dire Jonas Savimbi, le chef du mouvement rebelle UNITA. Un héros du monde libre, selon Ronald Reagan et l'ancien chef de nos services de renseignement, Alexandre de Marange. Ou encore l'un de nos ex-ministres de la Défense, François Léotard. Mais la realpolitik a fini par l'emporter. Lorsque d'énormes ressources pétrolières sont en jeu, on ne peut guère hésiter. Quand Savimbi a été abattu en 2002, les armes à la main, il était devenu un homme traqué, abandonné par tous ses sponsors internationaux. Monsieur X revient sur cette histoire qui dissimule encore pas mal de secrets. Mulemba Shangola, eh Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Kasanzu wabishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Eh Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, eh Mulemba Shangola. Ayuwe Mulemba Shangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mujete. Eh Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, eh Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulembera Milena, da magia Kalundu. Angola ritual, Africa no solo tu. Eh, Mulemba Shangola. Ayuwe Mulemba Shangola. Eh, Mulemba Shangola. Ayuwe Mulemba Shangola. Salvador da tradição, Mulemba Shangola. Unidas nações, soltai-vos agora. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, eh Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. That's it, États-Unis, je crois vous l'avoir dit, c'est un épisode de la guerre froide qui se joue en Angola. La lutte contre l'empire du mal. Bien sûr, puisque le gouvernement de Dos Santos est armé par l'URSS et militairement appuyé par un gros contingent cubain. Reagan, informé par les soins d'Alexandre de Marange, qui est le meilleur supporter étranger de Savimbi, décide donc de mettre le paquet. Et l'aide matérielle états-unienne est si importante que les maquisards de l'UNITA seront les premiers, avant même les rebelles afghans qui combattent l'armée rouge, à être équipés des fameux missiles Stinger. Ouais, des missiles anti-aériens. C'est ça, ouais. Une arme redoutable contre les appareils volants à basse altitude. Reagan est élu en 1980, mais entre en fonction en janvier 1981. Mm-hmm. Et c'est aussi l'année où, en France, Mitterrand arrive au pouvoir. Et la sympathie de la nouvelle équipe va plutôt au régime en place à Luanda. Sympathie politique. Évidemment, puisque le président Dos Santos, qui a succédé à Neto, se range résolument dans le camp socialiste. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Que voulez-vous dire, hein ? Notre amitié avec Dos Santos coïncide en partie avec nos intérêts économiques. C'est-à-dire, les intérêts de la compagnie Elf. Naturellement. Je vous l'ai dit, le régime marxiste de Luanda s'accommode très bien de la présence des grandes compagnies pétrolières occidentales, d'autant que ces compagnies sont très généreuses. Oui, généreuses avec les dirigeants en place. Naturellement. Ouais. L'argent coule à flot et la corruption est généralisée. Mais d'un autre côté, nous, Français, devons être prudents. Il serait déraisonnable de mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, nous ne coupons pas les ponts avec Savimbi, c'est bien. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Et un officier de haut rang du SDEC est chargé d'entretenir de bonnes relations avec Savimbi. Qui est celui-là ? Pierre Lethier, un homme dont on a beaucoup parlé il y a quelques années à propos de l'acquisition par Elf d'un réseau de stations-service et la construction d'une gigantesque raffinerie dans l'ex-Allemagne de l'Est. Ah oui, c'est l'ENA. L'ENA, oui. Ouais, oui c'est ça, oui. Et à ce propos, on a évoqué des commissions énormes qui auraient été versées au parti du chancelier Kohl. Hein. Oui, mais l'affaire n'est pas vraiment éclaircie. En tout cas, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, le colonel Lethier occupe le poste très sensible de directeur de cabinet du patron de nos services secrets. La DGSE. Oui, l'ancien SDEC. Ouais. Mais quelle est exactement la mission de cet officier ? Il ne doit pas se contenter de faire des relations publiques auprès de Savimbi. Ah, certes non. Ouais. Au cours de ses nombreux déplacements chez Savimbi, Lethier mesure la détermination des combattants de l'UNITA et la réalité de leur potentiel militaire. Mais il doit aussi donner des assurances aux leaders rebelles. Et des assurances, mais de quelle nature ? Ah ben, il doit lui promettre une assistance en cas de victoire. D'accord, mais... Mais la victoire n'est pas acquise, hein. Elle est loin d'être acquise. Mais Lethier se rend bien compte que la position militaire de Savimbi est pratiquement inexpugnable. Il ne faut pas oublier qu'en 1992, après des élections nationales qu'il a perdues, Savimbi passera à l'offensive et menacera très sérieusement le régime de Dos Santos. En outre, il est riche, très riche. Savimbi, les diamants. Bien sûr. En se repliant dans les forêts et les hauts plateaux de l'intérieur, Savimbi a abandonné le pétrole au gouvernement de Luanda. Mais il a gardé pour lui l'extraction des diamants qui lui rapportent des centaines de millions de dollars. On en parlera. Toutefois, ce n'est pas tout. Elf le finance. Elf qui est pourtant, par ailleurs, très engagé avec Dos Santos. Eh oui, la compagnie a donc deux fers au feu. Et là, nous retrouvons un couple de personnages qui ont fait parler d'eux ces dernières années. Messieurs Sirven et Taralo. Ah oui. Deux ennemis intimes qui sont aussi d'éminents dirigeants d'Elf. L'un, Alfred Sirven, envoie des millions de dollars à Savimbi, tandis que l'autre, André Taralo, prône un soutien inconditionnel à Dos Santos. Et tout ça au sein de la même entreprise. Ah, c'est assez extraordinaire, non ? Ah oui, oui. Et le pouvoir est au courant. Bah, il ne peut pas l'ignorer, comme il ne peut pas ignorer que ces sommes colossales qui passent d'un continent à l'autre, en faisant parfois de précieuses haltes en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux, servent essentiellement à l'achat d'armes, alors même qu'il existe un embargo international sur les livraisons d'armes à destination de l'Angola. Alors, nous voici donc en pleine actualité. Hein. Mm-hmm. L'Angola Gate, jugé aujourd'hui à Paris, avait donc été précédé par un trafic qui n'était pas moins illégal. Alors, je vais vous donner mon sentiment sur les récents développements de l'affaire Falcon, où l'on voit apparaître Jean-Christophe Mitterrand, Jacques Attali, et combien d'autres. On a parlé de Pasqua aussi. Hein. Si vous voulez. Eh bien, je pense que c'est la partie visible de l'iceberg. Le reste demeure dissimulé. Pourquoi ? Parce que ce sont les États qui sont coupables et qui ont encouragé la corruption. Les compagnies pétrolières aussi. Bien sûr, avec la complicité des États. Et voyez-vous, ce qui me désole le plus dans ce drame qui a fait plus d'un million et demi de morts, c'est que la guerre n'est ni plus ni moins qu'une affaire comme une autre. C'est-à-dire ? Elle permet à des groupes, des réseaux, des entreprises de faire des bénéfices extraordinaires. C'est devenu un système. Alors pourquoi voulez-vous que ça s'arrête ? Mais c'est parfois un jeu très dangereux. Et qu'est-ce que vous insinuez là ? Ben, je m'interroge sur la mort récente d'un de nos anciens agents. Et qui ? Thierry Imbeau, le fils du patron de la DGSE, nommé après le lamentable fiasco de l'affaire du Rainbow Varga. Ouais. Et pourquoi vous interrogez-vous là ? Cet agent, qui connaissait beaucoup de choses à propos du sulfureux dossier des frégates de Taïwan, était aussi très lié à Pierre Falcon. Il est malencontreusement tombé de son appartement en fermant ses volets. Oui, oui. Et vous soupçonnez bien sûr un assassinat. Ah, je ne soupçonne rien, Monsieur Pénaud. Je vous l'ai dit, je m'interroge. D'accord. Mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler un jour prochain. Alors, pardon si je me suis un peu éloigné. Revenons à nos moutons et à la question angolaise. En France, et malgré la position officielle du pouvoir qui ne reconnaît que les autorités de Luanda, il s'est constitué un véritable lobby pro-Savimbi. Mmh. Plutôt à droite, j'imagine. En effet, bon, le monde est encore bipolaire, il faut le rappeler. Ce lobby, très actif, apparaît au grand jour lors de la première cohabitation. Et alors que Jacques Chirac est devenu le premier ministre de François Mitterrand, hein, alors, qui trouve-t-on dans ce lobby hein ? Bah, la plupart des jeunes mousquetaires de la droite qui ont ferraillé avec les socialistes dès les débuts du premier septennat de Mitterrand. Les Toubon, Léotard, Longuet et bien d'autres. Parvenus au pouvoir sous l'autorité de Chirac, ils se débrouillent pour inviter Savimbi à Paris. Le guerriero est d'abord reçu par Chamandelmas, président de l'Assemblée nationale. Et il est prévu que le Premier ministre lui-même lui accorde une audience. Mais au dernier moment, Chirac renonce. Pourquoi ? Ben, il y a d'abord le mécontentement de Mitterrand. Mmh. Mais Chirac pouvait passer outre, hein ? Il l'a déjà fait d'ailleurs. C'est juste. Mais il n'y a pas que ça. À Luanda, le président Dos Santos est lui aussi furieux et il annule un voyage qu'il devait effectuer en France. En outre, il est difficile de passer sous silence que l'Afrique du Sud est le meilleur soutien régional de Savimbi. Le pays de l'apartheid. Hein. Et forcément, les accusations de complicité, de racisme commencent à fleurir en Afrique. D'autant que nos rapports avec le régime de Pretoria ne sont pas vraiment clairs. Mmh, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, c'est donc pour toutes ces raisons que Savimbi n'est pas traité comme un hôte officiel de la France. Et en 1987, Eduardo Dos Santos, calmé, pourra, lui, être reçu à Paris comme un chef d'État. A noter que Ronald Reagan n'aura pas ce genre de scrupules et accueillera Savimbi à la Maison Blanche. Oui, ce qui est déjà moins étonnant. Hein. Je vous l'accorde. En tout cas, l'embarras de la France et par conséquent de la compagnie Elf va en grandissant. Car Savimbi, pour se venger, menace de s'en prendre aux installations pétrolières de la société française. Avec X. Quitte à revenir un peu en arrière, il faut souligner combien Jonas Savimbi a exercé une véritable attraction sur certains politiciens occidentaux. Chez nous, c'est incontestablement Alexandre de Maranche, le patron du SDEC, qui a été le plus fasciné. Exemple, ces quelques lignes extraites du livre d'entretien qu'il a signé avec Christine Ockrent. Cet homme est un géant de l'histoire, non seulement un géant physique, mais un géant intellectuel et moral. Il venait de temps en temps me voir en Europe ou au Maroc, j'envoyais un avion le chercher. C'était assez compliqué, je ne voulais pas qu'il soit repéré en passant les frontières, mais enfin, c'était de la routine. Il m'avait dit une fois, « Ah, je ne pourrai jamais vous montrer la situation sur place, quel dommage !» Je lui avais répondu, « Vous savez, Il ne faut pas me dire des choses de ce genre parce que vous excitez ma curiosité. Comme les taureaux ou les grenouilles, quand ils voient un chiffon rouge, j'ai envie de sauter. Je suis donc allé lui rendre visite un jour dans son maquis de l'Angola, dans l'un de ses PC opérationnels au sud, secrètement bien sûr. De ma vie, je n'ai vu un tel charisme. Ces hommes, qui étaient dans un état de dénuement incroyable, le regardaient comme une divinité. L'emprise morale, psychologique que cet homme peut avoir sur ces pauvres hères en guenilles est extraordinaire. La diplomatie française tente donc de s'entremettre. Et ce n'est pas sans arrière-pensée, car tout ce qui peut mettre les Américains hors jeu est le bienvenu. Et là encore, les intérêts pétroliers ne sont pas absents du débat. Bien évidemment, la compétition dans ce domaine est rude, car les perspectives de trouver de nouveaux et nombreux sites, et donc de les exploiter, sont réelles. C'est aussi pourquoi les diplomates français font le forcing pour aboutir à un apaisement de la crise. Et en décembre 1988, ils parviennent à organiser une rencontre entre Dos Santos et le Premier ministre sud-africain, Peter Botha. Mmh. Rencontre suivie d'un accord ? Oui, les Sud-Africains s'engagent à retirer leurs troupes tandis que Dos Santos consent au départ des soldats cubains. Cet accord a été d'autant plus facile à obtenir de la part de Botha que son armée a été sévèrement étriguée par les Barbudos de Fidel Castro quelques mois plus tôt. Mmh. Ce lâchage des Sud-Africains est un coup dur pour Savimbi. Hein. Assurément. Mmh. En tout cas, et c'est pis-aller, il n'y a plus d'intervention étrangère directe en Angola. Ça n'empêche pas les trafics d'armes de continuer. Hein. Et en faveur des deux parties, oui. En outre, si l'aide militaire directe a cessé, l'aide financière, elle, continue. Savimbi reçoit ainsi d'importants subsides de Washington via les agents de la CIA installés au Zaïre. Et puis, les deux camps continuent à bénéficier de l'exploitation de leurs propres ressources naturelles. Je vous l'ai dit, le pétrole pour le MPLA de Dos Santos et les diamants pour l'UNITA de Savimbi. Et à propos de ces diamants africains issus du Zaïre, de l'Angola ou encore de la Sierra Leone, des pierres souvent appelées les diamants du sang, parce que leur exploitation et leur commerce donnent lieu à toutes les dérives possibles, il faut se poser une question. Ces diamants servent-ils à financer les guerres ou leur exploitation n'aboutit-elle en fait qu'à prolonger ces mêmes guerres ? Parce que ceux qui ont la haute main sur ce commerce ont intérêt, au fond, à ce que les guerres continuent. Et car ça leur permet d'écouler leurs pierres clandestinement sans acquitter de taxes aux pays producteurs. Il s'agit donc d'un trafic doublement criminel, auquel les autorités internationales ont essayé de mettre un terme en exerçant un contrôle plus strict sur les compagnies diamantifères qui achètent en bout de course ces gemmes. Ouais, c'est le processus de Kimberley, initié en mai 2000, c'est ça ? Cependant, les profits sont tels que la tentation est grande de contourner les règles. Et ce ne sont pas seulement des individus ou des sociétés qui sont mis en cause, mais des États. Mais bon, je referme cette parenthèse. Ouais. Sachez seulement qu'on estime que dans les années 90, Savimbi aurait gagné presque 4 milliards de dollars en vendant ses diamants. C'est énorme ça, mais est-ce que la mise hors jeu des armées étrangères permet malgré tout d'entrevoir une issue à cette atroce guerre civile ? Il est évident que dans les deux camps, on aspire à en finir, même si, comme je viens de vous le dire, l'exploitation diamantifère pousse au contraire à la poursuite du conflit. Toutefois, Savimbi, on ne peut le nier, est aussi un patriote. Et finalement, en mai 1991, les belligérants se rencontrent au Portugal et signent un accord. Sur quelle base ? Dos Santos et Savimbi conviennent de l'organisation d'élections législatives libres. Il faut dire qu'à peu près au même moment, les États-Unis annoncent la fin de leur aide à l'UNITA. Ah, une raison de plus alors pour Savimbi de prendre place à la table des négociations. Bien entendu, parce que ça veut dire que tôt ou tard, Washington finira par reconnaître le régime de Luanda. Et ça interviendra quand ça ? En 1993. Sous la présidence de Bush senior, donc. Et encore une fois, c'est la réelle politique qui l'emporte, d'autant que l'URSS n'existe plus et que Dos Santos a renoncé depuis belle lurette au marxisme. Alors, ces élections ? Elles ont lieu en septembre 1992. Et contre toute attente, dès le premier tour, c'est Dos Santos qui gagne la majorité relative. Pourquoi contre toute attente là ? Parce que Savimbi était non seulement maître de l'intérieur du pays, mais il comptait aussi sur l'image déplorable d'un gouvernement corrompu et incapable de lutter contre le marasme économique pour l'emporter. Alors pourquoi Savimbi a-t-il perdu ? Je crois qu'il n'avait pas pris en compte la lassitude d'une population victime d'une interminable guerre civile. Les Angolais, quel qu'était leur grief contre Dos Santos, ont donc préféré voter pour le pouvoir en place. Mmh. Et la réaction de Savimbi hein? Ah ben, il n'admet pas sa défaite et il accuse son adversaire d'avoir triché. Ouais, la fraude électorale. Oui. Immédiatement, le leader de l'UNITA quitte la capitale et reprend les armes à partir de son fief du sud du pays, tandis qu'on assiste à Luanda et ailleurs à la liquidation physique des militants de son mouvement. Mmh. L'apaisement n'a donc guère duré. Hein? Cependant, si dans les urnes c'est Dos Santos qui a gagné avec plus de 49% de suffrages, sur le terrain c'est Savimbi qui progresse très vite et conquiert même par la force des villes où traditionnellement dominait le MPLA, le parti de Dos Santos. Ça va même si loin que le leader rebelle parvient à contrôler les 8/10 du territoire angolais. Et Dos Santos est donc aux abois. Oui, oui, sa situation militaire devient de plus en plus précaire. De nombreux observateurs étrangers pensent même que la victoire de Savimbi est inéluctable. En même temps, la population vit sans doute la pire période de son histoire tourmentée, car Savimbi, dont on a trop souvent fait un héros en Occident, est aussi un homme impitoyable, et ses milices terrorisent les Angolais qui tardent à se rallier à l'UNITA. Et Savimbi n'hésite pas non plus à frapper les siens lorsqu'ils menacent de lui disputer le premier rôle. Des purges ? Ah, des purges sanglantes, oui. Ainsi, il fait assassiner son second, Tito Shingungi. Et pour faire bonne mesure, il ordonne aussi le massacre de toute sa famille. Il fait pas bon contester. Hein. Non, et pourtant, je vous l'ai dit, de nombreux politiciens, surtout à droite, continuent de l'encenser. Mmh. Ce lobby pro-Savimbi dont vous avez parlé. Hein. Et l'un de ses membres, François Léotard, devient alors ministre de la Défense dans le deuxième gouvernement de cohabitation. Après la défaite des socialistes français de 1993. C'est ça. Alors on assiste à un curieux spectacle. Le ministre de la Défense est un partisan affiché de Savimbi, tandis que Juppé, son collègue des affaires étrangères, et surtout Pasquale, le ministre de l'Intérieur, se trouve sur la même ligne que François Mitterrand. Ouais, c'est-à-dire le soutien au gouvernement légal de Dos Santos. Hein. Car pour Paris, le rebelle, c'est Savimbi. Surtout depuis la consultation électorale. Ouais. Au fond, ça ressemble un peu à ce qui se passe chez Elf. Hein. Chacun tire à U et à Dia dès qu'il s'agit de l'Angola. Ouais, mais tout a une fin. Chez Elf, la défaite électorale de Savimbi a mis un terme aux espoirs de Sirven. Ah, il a perdu lui aussi, alors. Provisoirement, car Sirven n'est pas du tout décidé à abandonner la carte de l'UNITA. En tout cas, il n'est plus question que la compagnie pétrolière française continue à alimenter à jet continu les comptes bancaires de Savimbi en Suisse ou ailleurs. Et pourtant, m'avez-vous dit, militairement, la situation évolue plutôt en faveur de Savimbi? C'est exact. Les forces de Dos Santos ne contrôlent plus que la bande côtière. Le président angolais est donc au plus mal. Et sans une puissante aide extérieure, il finira par être vaincu. C'est alors que va se mettre en place ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler l'Angola Gate. Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Avant d'en venir à l'Angola Gate, un point sur les relations entre Elf et le chef de l'UNITA. Je l'emprunte au journaliste Karl Lask, auteur d'un ouvrage particulièrement bien documenté, « Des coffres si bien garnis », paru chez De Noël en 2004. Fin juin 1991, les pourparlers ont avancé. Alfred Sirven, Loïc Le Floch-Prigent et Yves Verwerde, il s'agit d'un député européen proche de Léotard, rencontrent Jonas Savimbi à Bruxelles. Lors de la conversation à quatre, a expliqué le député, j'ai abordé la question de l'argent en faisant ressortir les besoins de l'UNITA pour la campagne électorale programmée en septembre 1992. À l'issue des entretiens qui s'étaient merveilleusement déroulés, M. Le Floch-Prigent m'a dit qu'il avait été impressionné par M. Savimbi. Jonas Savimbi aime bien se comparer à Charles de Gaulle et Loïc Le Floch-Prigent apprécie la comparaison. Il apprécie les chefs d'État en général et à son avis, Jonas Savimbi a bien la trempe d'un de Gaulle. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Alfred Sirven est plus terre à terre. Ce jour-là, il confie à Yves Verwerne qu'il est hors de question qu'Elf donne le moindre argent à l'UNITA tant qu'il ne serait pas arrivé à un accord effectif avec eux. Mais l'accord finit par intervenir puisque Sirven commence à alimenter un compte de l'organisation ouvert à Londres. Sans oublier, affirme Karl Lask, de prélever au passage sa quote-part destinée autant à garnir son propre pécule qu'à rétribuer le député européen qui a joué un rôle notable dans cette négociation. Alors comment cette Angola Gate là, dont on juge en ce moment les protagonistes à Paris? Au centre de cette ténébreuse affaire, il y a bien sûr la fabuleuse richesse en pétrole de l'Angola et de ses gisements offshore. Mmh. Ça fait rêver, ça. Naturellement, mmh. Oui. Mais le jeu est risqué parce que le pays est toujours en proie à une terrible guerre civile. Il faut choisir son camp et ne pas se tromper. Au fond, les compères de l'Angola Gate vont faire un véritable pari. Sur Dos Santos. En effet, mmh. Et ce n'est pas un hasard. D'une part, pour l'instant, maître de la zone côtière, c'est lui qui a la haute main sur les ressources pétrolières. D'autre part, le président angolais a un besoin d'aide urgent. Et il ne fait nul doute que ceux qui viendront à son secours seront généreusement récompensés. Et grâce à la manne du pétrole. Évidemment. En 1993... Eduardo dos Santos doit acheter d'impressionnantes quantités d'armes pour contenir les troupes de l'UNITA et peut-être même les vaincre. Mais son pays est considérablement endetté, en particulier auprès de la Russie. Et à Moscou, depuis l'effondrement du RSS, on n'a plus guère envie de livrer des armes à cet ex-allié. Hein. On aimerait même que l'Angola paie ses dettes parce que la situation de la Russie n'est pas très brillante. Et c'est là que Pierre Falcon intervient. Un vrai coup de poker. Un mot peut-être sur cet homme-là. Falcon, patron de la société Brinco, est un Français qui brasse beaucoup d'affaires internationales. Un marchand d'armes. Pas spécialement. Ah bon. Mais si l'occasion se présente, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, j'ajoute qu'il agit de conserve avec un autre personnage, le russo-israélien Arkady Gaidamak, un ancien du KGB qui a profité de la fin du système soviétique pour édifier une considérable fortune. Un homme qui est aussi très bien introduit en France. Et qui va nous permettre de récupérer deux de nos pilotes abattus en Serbie. Mais peut-être reparlerons-nous un jour de cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Alors le plan imaginé par ces deux compères, la Falcon et... Ah oui, ouais, il est très ingénieux. Falcon achète d'abord la dette de l'Angola vis-à-vis de la Russie. Avec quel argent? Un emprunt gagé sur les futures ventes de pétrole. En même temps, toujours avec cet argent, Falcon et Gaidamak promettent de livrer des armes à l'Angola. On est au cœur de l'Angola, Gaidamak, là. Et oui, car si ces armes achetées en République tchèque ne transitent pas par la France, les contrats, eux, sont bien français et sont garantis par une importante banque française. Et surtout, l'opération obtient la bénédiction de la Sofremi, une société qui dépend du ministère de l'Intérieur et a pour vocation l'exportation de matériel de sécurité. La Sofremi, qui tourne ainsi l'embargo sur les armes, et le veto de Léotard, qui refuse que la France arme Dos Santos. D'où la mise en cause plus tard de Pasqua. Pasqua et son acolyte Marchiani. Mais je n'insiste pas, car la presse a longuement évoqué ce montage qui a permis de graisser la patte d'un grand nombre d'intermédiaires. D'où la présence dans le box des accusés là, d'une brochette de personnalités très diverses. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, ces livraisons d'armes représentent pour Dos Santos une vraie bouffée d'oxygène. Ouais, le président angolais doit donc une fière chandelle à Falcon. Et c'est pourquoi il le soutiendra mordicus quand l'homme d'affaires commencera à avoir des ennuis en France. Il en fera même un ambassadeur auprès de l'UNESCO pour lui épargner la prison. En attendant, son armée engrange de nombreux succès contre les forces de l'UNITA. C'est si vrai qu'en 1994, c'est au tour de Savimbi d'être acculé. Et contraint et forcé, il signe des accords de paix à Lusaka, la capitale de la Zambie. C'est aussi, enfin, d'une certaine façon, la reconnaissance de son échec. Hein. Certainement. En fait, ces accords signés sous les auspices de l'ONU et qui seront confirmés 2 ans et demi plus tard, en 1997, par la formation d'un gouvernement d'unité nationale et la nomination de Savimbi au poste de vice-président de la République, dissimule une ruse. Le leader de l'UNITA a besoin d'un répit pour reconstituer ses forces. Ça veut dire qu'il ne croit pas à cette tentative de réconciliation. D'autant que l'ambitieux Savimbi ne peut pas se contenter d'être le numéro 2 du régime. Et dans le même temps, avec l'aide de son allié Mobutu, le président zaïrois, il renforce son armée. Avec l'intention d'en découdre à nouveau avec le MPLA de Dos Santos. Forcément. Mais ce dernier prend de court son adversaire en soutenant les rebelles qui combattent Mobutu. Les hommes de Kabila. Au fond, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est ça, et de la même façon dans l'autre Congo. Le Congo-Brazzaville. Oui, Dos Santos envoie ses militaires à la rescousse pour soutenir Sassou Nguesso qui s'est lancé à l'assaut de son rival, le président Pascal Lissouba. Oui, Lissouba coupable aussi d'avoir des sympathies pour Savimbi. Et même plus. Tout comme Mobutu, Lissouba avait accepté d'aider l'UNITA et d'accueillir ses militants. Ça signifie en tout cas que le président Dos Santos lui se sent de plus en plus fort. Et de plus en plus, l'Angola va s'imposer comme une puissance régionale. Conséquence, les amis africains de Savimbi commencent à prendre leur distance avec l'UNITA. En Angola même, la guerre civile recommence-t-elle ? C'était inévitable. Ouais. Le conflit armé éclate à nouveau fin 1998. Mais la donne a profondément changé. Alors que jusque-là, les forces réciproques du MPLA et de l'UNITA avaient tendance à s'équilibrer, alternant victoires et défaites, le camp de Dos Santos prend nettement l'avantage. Et ça se voit jusque dans la propagande. Savimbi est désormais présenté comme un criminel de guerre et la lutte engagée contre lui devient un combat pour la paix. Et cette évolution n'est pas simplement rhétorique. La communauté internationale aussi prend le parti de Dos Santos. Les États. Et également l'ONU. En 2000, le Conseil de sécurité décrète un certain nombre de sanctions contre l'UNITA. Mais pourquoi alors ? Outre l'interdiction de se procurer des armes et du carburant, les responsables de la rébellion se voient restreindre leurs possibilités de déplacement. Et surtout, l'institution internationale tape au portefeuille en prohibant la vente des diamants. Ce qui faisait la richesse de Savimbi. La situation militaire de ce dernier ne cesse donc de se détériorer. Et en septembre-octobre 2000, les forces armées angolaises... L'armée de Dos Santos. C'est ça. Donc ces forces attaquent des bastions historiques de Savimbi et les emportent. Ça va même si mal pour le leader de l'UNITA qu'à plusieurs reprises on le donne pour mort. Des informations ? À peu près certainement, oui. Car il paraît évident que si Savimbi disparaît, son mouvement se délitera inéluctablement. Il me faut aussi signaler, pour être tout à fait objectif, que parallèlement, le régime Dos Santos se durcit et devient même quasiment dictatorial. Une conséquence de la lutte contre l'UNITA, ça ? Indirectement, oui. Car progressivement, la société civile manifeste son mécontentement. Elle est lasse de vivre dans un pays perpétuellement en guerre. Lasse aussi de constater que les richesses de l'Angola ne servent qu'à acheter des armes ou à grossir les comptes en banque des hiérarques du parti au pouvoir, alors même que la population sombre dans la misère. D'ailleurs, plusieurs ONG évoquent un état de catastrophe humanitaire. Mais la guerre continue. Oui, Savimbi ayant refusé une proposition d'amnistie générale de Dos Santos, il est sûr que le combat ne pourra se terminer qu'avec la mort ou la capture du rebelle. Mais Savimbi n'est peut-être pas homme à se rendre, ni même à se laisser pendre vivant. Ça me paraît vraisemblable. C'est pourquoi l'hypothèse d'une tentative d'exécution devient de plus en plus crédible. Cependant, le rebelle semble insaisissable. Et d'abord parce qu'il s'est réfugié dans une zone proche de la frontière zambienne, très difficile d'accès. Puis j'imagine qu'il doit se méfier. Bien entendu. Il prend un luxe de précaution pour ne pas être repéré. En particulier lorsqu'il est amené à utiliser son téléphone satellitaire. Oui, parce qu'il n'y aura pas qu'il n'existe des techniques pour cibler l'origine d'un appel. Et plusieurs personnes l'ont déjà payé de leur vie, oui. Le dirigeant tchétchène, Doudaïev, par exemple. J'ajoute, et je le dis à dessein, que ce procédé est particulièrement apprécié par les services secrets lorsqu'ils veulent se débarrasser d'un individu difficile à localiser. La technique réclame quand même un minimum de sophistication, non ? Et la mise à disposition d'un appareillage coûteux, généralement placé sur plusieurs avions en vol, qui permettent d'effectuer une triangulation. Alors, vous parliez là des services secrets, à qui pensez-vous en particulier ? En tenant compte des personnages impliqués dans cette affaire, je peux affirmer avec certitude que seuls 3 services ont pu être impliqués, les Russes, les Israéliens ou les Français. Et les personnages ? Lorsque Dos Santos décide de tout mettre en œuvre pour éliminer Savimbi, à qui s'adresse-t-il ? au meilleur ami étranger de son pays. Pierre Falcon ? Bien entendu. Et c'est ce dernier qui, avec la collaboration de son complice Guédamac, va chercher puis fournir le matériel de détection électronique susceptible de localiser Savimbi dans la jungle où il se cache. Alors, service russe ou israélien, c'est probable, eu égard au contact de Guédamac tant à Moscou qu'à Jérusalem. Mais les Français ont pu aussi avoir leur mot à dire, car c'est à Paris que les équipements sont achetés. Un très gros contrat, en tout cas, et une excellente affaire pour le vendeur et tous ceux qui ont négocié l'affaire. Mais si des agents français ont été mêlés à tout cela, c'est quand même un curieux retournement de l'histoire, parce que Savimbi a d'abord été un protégé de notre service de renseignement. Hein. Certes, mais ainsi tournent les choses et les politiques. Une première fois, Savimbi est détecté dans la forêt. Aussitôt, un mig des forces angolaises décolle. Il rate sa cible. Un échec qui ne fait que renforcer, je l'imagine, hein, la méfiance de Savimbi. Et ce dernier, lorsqu'il doit téléphoner, écourte ses communications. Mais il lui est difficile de rester tout à fait muet. Sa famille et ses nombreux enfants sont exilés. Il veut pouvoir leur parler, ne serait-ce que brièvement. Ça se comprend. Hein. Mais Savimbi va tomber dans un véritable piège tendu par son ennemi Dos Santos. Ce dernier lui fait passer un message selon lequel des pourparlers de paix pourraient s'engager par l'intermédiaire de l'ONU. Un rendez-vous téléphonique est même fixé avec un émissaire onusien. Ça, c'est le piège. Oui, la communication permet de localiser avec une grande précision la position de Savimbi. Des paras angolais sont immédiatement largués dans le secteur. Et Savimbi est tué, les armes à la main, en février 2002. Et est-ce que, comme prévu, c'est la fin de l'UNITA ? En effet. Seulement 2 mois plus tard, les rebelles rendent les armes selon un protocole d'accord signé à Luanda. Une guerre de presque 30 ans qui a provoqué la mort d'un 1,5 million d'Angolais et le déplacement d'un tiers de la population se termine ainsi. Quelques livres pour finir, des coffres si bien garnis de Karl Lask, argent secret de l'ancien espion Pierre Laitier, Noir silence de François Verschave et coédité par France Inter et Nouveau Monde, Les dessous de la France-Afrique, un ouvrage inspiré par Rendez-vous avec X, c'est son dernier opus. Autant de titres dont vous pourrez trouver les références sur www.franceinter.com. Et merci à Valérie Ayestarai, Rebecca Denon et Monsieur Djoub.